to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Demelin, bienvenue à Econophile et bienvenue dans la semaine 3 de la fin du monde. On va t'avoir un super gouvernement Trump. Les amis ont fait rien que commencer à apprécier toute la subtile délicatesse et la nuance de ceux qui prendront les décisions dans quelques mois à peine. Mais retour chez nous, Econophile, c'est une émission qui s'intéresse à l'économie. Ça, c'est un fait. Et cette économie, c'est une toile qui emmène très large. On comprend que bien des décisions et des événements sont liés d'une manière ou d'une autre dans cet univers interdépendant qui est celui de l'économie. Et nous, on s'intéresse à ça, aux enjeux, à l'humain surtout, derrière tout ça, celui qui subit aussi les effets des choix qui sont faits. Et notre concept pour vous parler d'économie est simple. Je fais la lecture d'extraits de livres que j'ai choisis, des livres qui parlent d'économie directement ou au sens large du terme. Et puis, pour compléter, j'ai des entretiens avec des auteurs, des chercheurs ou encore, comme cette semaine, je vous propose des extraits d'entrevues dénichées sur le web. Un livre par semaine, une heure entière consacrée à ce livre, un intervenant pour compléter le tout. C'est ça l'idée. Bienvenue à Econophile. Et oui, ça c'est ça s'appelle Work Hard, c'est la chanson préférée de Lucien Bouchard, anglophone en tout cas. Travaillez, mandaloche, là, allez donc défricher un bout de Côte-Nord avec vos mains. Donc, Econophile, oui, est bien présent sur les internets, sur Facebook, avec un blog aussi, là, également, là. Allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre, savoir ce qui se passe, pour lire des compléments, par exemple. L'adresse facebook.com/Econophile891. Et puis, vous trouvez le blog de l'émission sous le bandeau. Là, on voit le bouton « En savoir davantage ». Vous cliquez et hop, vous vous retrouvez sur le blog. Vous y trouvez la balado qui donne accès aux 3 dernières émissions. Et puis, oui, excellente nouvelle, la totalité des émissions sont disponibles dans la section « Émissions ». Ça fonctionne à merveille. Vous pouvez écouter ou réécouter quand bon vous semble. Et puis, toujours sur le blog, vous pouvez lire des textes inspirés des livres que nous vous présentons, incluant une référence du livre en question, histoire de confirmer cette rumeur folle qui veut que vous soyez quelqu'un qui lit et se documente avant de parler ou de donner son opinion. Et cette semaine, on se paye la traite encore une fois, là, gratis en plus, tout à fait. On va parler du capitalisme. Ouais, c'est rien de moins. On va philosopher un peu en compagnie de l'extraordinaire économiste Bernard Maris, un économiste français, mais un économiste qui combat l'économisme des économistes. C'est tout dire. Alors, je vous fais la lecture du livre dont il est l'auteur, « L'avenir du capitalisme ». Grave et profonde question, vraiment, là, en ces temps où juste se poser cette question, là, quel est l'avenir du capitalisme, ça semble devenu presque tabou. Mais nous, on ose. On aime ça quitter les sentiers battus, on aime ça se remettre en question. C'est sain, ça fait du bien et c'est passionnant en plus. Bienvenue, bonne émission. Thank you. It's like there's a straight way, you know, you know. Alors, Bernard Maris, donc, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est l'économiste français mort le 7 janvier 2015, assassiné par les lâches qui se sont introduits dans les locaux de Charlie Hebdo, hein? Souvenez de ça? Oui, tué au nom de sa religion des dangereux bédéistes, des dangereux dessinateurs, de terrorisants humoristes. Hein, c'est quand même intense un peu. Et Bernard Maris a été un des collaborateurs fort appréciés de Charlie Hebdo avec sa chronique et ses textes qu'il signait de son pseudonyme, Oncle Bernard. Il était aussi directeur adjoint de la rédaction. Donc, Oncle Bernard est un économiste à part, un de ces fameux hétérodoxes là, que j'aime bien présenter ici à l'émission. Il a écrit pour plusieurs journaux, Le Monde, Marianne, Le Nouvel Observateur, Figaro Magazine. Il avait des chroniques aussi à la radio. On le voyait à la télévision de temps en temps. Il était invité régulièrement. Bref, c'était une personnalité bien établie en France et qui contribuait à un hebdo satirique, certes, mais un économiste tout ce qu'il y a de plus sérieux et respecté. Il avait d'ailleurs été nommé au Conseil général de la Banque de France. Quand même. Il a été professeur aussi d'économie, il a publié de nombreux ouvrages, des essais, même des romans. Et Bernard Maris se posait des questions à propos de nombreux sujets, dont le capitalisme, effectivement. L'avenir du capitalisme, c'est en fait le texte intégral de la conférence qu'il a prononcée à l'Institut Diderot. C'est un tout petit bouquin, là, je vous le dis, 68 pages à peine, ça se lit en un clin d'œil, ouais. Ben, faut le laisser ouvert pour pouvoir lire, mais bref, dans l'introduction, pour commencer la lecture du livre, cherchant donc à définir le concept, hein, on peut bien parler de capitalisme, mais encore faut-il le définir, il parle du fait qu'aborder le capitalisme, c'est tenir compte de considérations politique, sociologique et historique. Hein, c'est surtout pas simplement et uniquement un terme économique, là, loin de là. Il souligne que le capitalisme n'est pas un concept moderne, on pense peut-être que c'est assez récent, non. Si on se met à réfléchir aux origines même de l'économie, il dit à ce propos ce qui suit. L'économie commence lorsque l'homme cesse d'être un simple parasite de la nature et invente la domestication des plantes et des bêtes. Autrement dit, l'économie commence avec la rareté, qui va de pair avec l'invention du territoire privé et de la propriété. L'enclos, le mur, la barrière vont de pair avec une privatisation de l'échange. Les travailleurs, les producteurs libres ou le plus souvent esclaves, les commerçants sont le ferment du futur capitalisme et ils pratiquent ce que pratiquera toujours le capitalisme. L'épargne et l'accumulation par la constitution de surplus. La constitution de surplus, l'invention du détour de production, la mise à l'écart de forces productives pour constituer du capital, un moulin par exemple, c'en est un four aussi par exemple, est au cœur du capitalisme. Donc on le voit, le capitalisme c'est accumulé, hein, et ça a l'air banal, mais en même temps vous allez voir que c'est important, c'est la base de tout. Pas seulement dans le principe d'accumuler de l'argent pour être riche, mais comme réflexe, comme point de départ. Et lié à ça, ben, le commerce. Et le grand commerce est la première forme de commerce parce que celui-ci est international. Et avant d'être national, parce qu'on vendait des produits entre nations, hein, on vendait du vin, des céréales, de l'huile, de l'or, de la céramique, des étoffes, des poteries, etc. Et fait intéressant, ou décourageant, Maris nous dit que l'on trouve à Gênes, en 1347, la trace du premier contrat d'assurance. Ah oui, déjà à cette époque, on voulait assurer nos arrières. Alors, il écrit là-dessus, « Cela signifie donc que le concept de marché dérivé, en apparence extrêmement moderne, c'est-à-dire l'assurance sur des variations futures de prix, est en fait aussi vieille que l'assurance elle-même. » Hein? Ça fait longtemps là, qu'on a compris qu'on pouvait faire ça, payer dans le vide. Là. La finance existait donc même avant le capitalisme, c'est-à-dire avoir un prêteur, un assureur et un banquier. Et soudainement, quand on pense que prostituer est supposément le plus vieux métier du monde, sachant que ça vient probablement un peu de temps avant celui de banquier et d'assureur, je me dis que hein, on tient un fil conducteur plutôt intéressant ici. Alors poursuivons donc la définition du concept. Bernard Maris écrit ceci. Tout ce qui fait le capitalisme, la technique, les moulins précités, les surplus, l'intérêt, l'échange, le travail, l'accumulation, existe de tout temps. La spéculation, le goût de l'aventure et de la prédation aussi. Et pourtant, ces économies ne sont pas le capitalisme. Que manque-t-il pour faire ce tout jeune homme, le capitalisme, qui n'existe en fait que depuis la révolution industrielle anglaise? Et qui est, je persiste à le croire, d'essence très différente de ces vieilles économies? Ce n'est ni la cupidité, ni l'appétit du gain, ni le désir d'accumulation de richesses. La soif du gain n'est pas la recherche rationnelle du profit. L'avidité, le gain sans limite, n'implique pas le capitalisme. Hein? Parce que d'ailleurs, il rappelle que si on rattache tout à ces concepts-là, à l'époque même de Rome, hein, pour que vive le cirque de Rome, on n'hésitait pas à dépouiller l'Afrique de ses bêtes. On a posé des gestes destructeurs pour asseoir sa puissance, pour dominer, pour s'enrichir. Et il y a donc fort longtemps. Mais il manque donc, selon l'économiste Maris, quatre éléments à ces économies pré-capitalistes pour qu'on puisse vraiment le parler de capitalisme comme tel. Alors, il les cite, ces quatre éléments. Quatre éléments manquent aux économies pré-capitalistes. Un, le travail libre et le marché du travail. Donc ça, c'est important, il faut la notion de travail là-dedans. Deux, la généralisation du crédit et avec lui de l'argent, du marché, du contrat et aussi la taille des marchés et la production de masse. Donc, on élargit crédit hein, at large. Trois, l'utilisation systématique de la machine, avec elle l'explosion du progrès technique et la soumission de la science à la technique, c'est-à-dire la technoscience qui est au cœur du capitalisme contemporain. La connaissance soumise à l'utilité, le capitalisme n'existe pas sans la rationalité, la raison appliquée. Et puis, point quatre, enfin, un rapport au temps différent. Le temps linéaire succédant au temps cyclique, le temps des surplus pour les surplus et de l'accumulation rationnelle succédant au temps de la reproduction. Certes, le capitaliste, l'entrepreneur capitaliste, celui qui part d'un bilan en capital, fait un projet et espère un profit pacifique, ça existe de tout temps. Mais il est rare, isolé. À titre d'exemple, la compagnie hollandaise des Indes orientales fait la moitié de ses profits par du commerce, la moitié par des actes de piraterie. Le capitalisme naît lorsque l'esprit du capitalisme habite la majorité des dirigeants et bientôt la société tout entière à travers le travail et la technoscience. Donc, on commence à placer des choses. Pour parler de capitalisme, on comprend qu'il faut au minimum parler de marché du travail, de crédit, bien entendu, hein, le crédit est important, de production de masse, des machines aussi pour cette production, et un esprit du capitalisme qui habite la société. C'est une importante nuance, donc on comprend. Un roi qui veut devenir riche sans fin, c'est pas forcément du capitalisme, ça peut être Donald Trump, par exemple. Alors, pour aller plus loin, je vous propose d'écouter tout de suite Bernard Maris lui-même, tiré d'entretien pris sur le web. Et dans cette première partie, il parle du capitalisme dans lequel on retrouve la relation marchande, qui doit être la seule. On nous vend des bébelles, on en veut toujours plus, qui est à détruire notre monde. Et vous entendrez aussi, ça c'était très intéressant, il parle même de Freud. Freud et l'économie, ça promet. La relation marchande a tendance à se substituer à toute autre relation et à absorber tout autre type de relation et à détester. La relation marchande ne supporte pas qu'il y ait des relations qui ne soient pas marchandes. Des relations d'affection, d'amour, d'amitié, de hiérarchie, d'adoubement, de vassalité, d'honneur. Toutes ces relations sont des relations qui sont insupportables pour la relation marchande, qui est une fausse relation d'égalité qui passe par l'argent. Là, il y a une belle phrase de Simmel qui dit, c'est que l'argent, c'est ce qui permet de ne pas regarder les autres dans les yeux. Or, justement, l'humanité est faite pour regarder les autres dans les yeux. Et profondément, nous sommes humains, nous, des animaux qui regardons les autres dans les yeux, et qui avons quelque chose à leur dire en les regardant dans les yeux. Et ça, le marché ne supporte pas, parce qu'il faut qu'il y ait dans la relation, qui est une relation, on va dire, d'affection, eh bien, il faudrait la couper par... par le mur de l'argent, par l'intermédiaire de l'argent. L'hyper-individualisation et le fait que tout le progrès technique va vers l'hyper-narcissisme et l'hyper-individualisation. Et la solitude absolue que provoque ce type de société, qui est une société d'une dureté impitoyable. Le marché est une société extrêmement dure, qui offre beaucoup de jouets aux jeunes gens. On les voit tous pianoter dans le métro, sur leur smartphone, bon, dans leur isolement, dans leur bulle, en train avec des jouets. C'est vraiment un stade infantile, hein, le capitalisme. C'est un stade extrêmement infantile. Ce n'est pas une société mature, la société capitaliste, puisqu'elle surfe sur le besoin infini et qui est renouvelé de façon permanente. Donc c'est vrai que cette marchandisation perpétuelle de tout ce qui peut exister, le fait que, bon, on offre désormais à des enfants des smartphones de plus en plus tôt, l'argent de poche, toutes ces choses-là, qui fait qu'on détruit du lien social, c'est quelque chose de très pernicieux, et à terme de très dangereux et de très violent. Porteur d'une grande violence, et assez suicidaire. Je pense que cette société qui détruit systématiquement l'altruisme, la coopération, la fraternité, cette société est extrêmement suicidaire, oui. On ne peut pas comprendre l'œuvre de Keynes si on ne sait pas qu'il a lu Freud et qu'il a été très très imprégné de Freud. Lorsqu'il parle par exemple de dépression économique, eh bien, il fait référence au terme de dépression. Alors Freud nous aide beaucoup et a beaucoup aidé Keynes à comprendre deux choses. La première chose, c'est le caractère infantile du capitalisme, le fait que ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne peut pas s'arrêter. Il n'y a jamais de saturation. Il y aura toujours de nouveaux besoins, puisqu'on crée sans arrêt de nouveaux besoins par des objets jetables, par la destruction créatrice, par l'envie qui fait qu'on est l'envie qui est la croix des envieux, hein, qui fait qu'on a toujours envie d'autre chose, tout ça. Donc c'est un processus qui ne peut jamais s'arrêter. Et deuxièmement, c'est un processus mortifère. C'est pour ça que Keynes utilisait le mythe du roi Midas qui, à force de désirer de l'or, finissait par mourir puisque tout ce qu'il touchait se transformait en or et finalement il mourait. Hein. C'est un peu la fable des Indiens, ce que les Indiens d'Amérique disaient aux Américains qui les colonisaient, disaient bon, que lorsque vous aurez tout vendu, vous vous rendrez compte que on ne peut pas vendre ce qu'on mange, que finalement la terre, ce que vous aurez vendu toute la terre, vous vous rendez compte que vous aurez perdu tout ce qui vous nourrit, ce qui vous fait exister. Alors Freud, ce qu'il dit très bien, c'est que la pulsion de mort, elle est combattue chez nous par l'éducation, par la société, par la culture, par la technique, qui est une des premières formes de la culture. Mais plus on combat cette pulsion de mort par la technique notamment, et par la culture, plus on la refoule et plus elle a tendance à exploser. Ce qui fait qu'on a tendance à empiler de plus en plus de couches, si je puis dire, de techniques et de civilisations pour brider cette pulsion de mort, qui fait que l'humanité est condamnée à croître infiniment dans la technique, dans l'accumulation, pour brider infiniment sa pulsion de mort, jusqu'à ce que cette pulsion de mort se retourne malheureusement contre elle-même et qu'elle arrive à détruire ce qu'elle est, c'est-à-dire la vie. Le mythe capitaliste, c'est de dire la productivité sera telle qu'on arrivera toujours à dépasser la rareté. La rareté n'existe pas. Nous irons vers l'abondance par la productivité. C'est l'inverse qui se produit. En fait, nous sommes en train de raréfier le monde, nous sommes en train de creuser notre tombe en rendant les ressources de plus en plus rares, et nous avons beau lutter contre le temps, c'est vrai que nous allongeons un petit peu notre espérance de vie, mais à terme, nous allons réduire cette espérance de vie et nous allons finir par mourir. Ce que d'autres ont dit, Lévi-Strauss aussi est très pessimiste là-dessus, il dit absolument. Le fait que la promiscuité, l'étouffement feront que les hommes ne se supporteront plus. Et donc, il y aura un déchaînement de violence qu'on retrouvera les vieux fléaux malthusiens qui étaient la guerre et la maladie, qui faisaient disparaître l'humanité. Donc, c'est vrai que l'humanité n'est pas raisonnable, parce qu'elle le voit, ça, elle le pressent. Hein. Ce qui me frappe, c'est cette lucidité aveugle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que nous sommes absolument lucides, en même temps, nous ne voulons pas voir ce que nous voyons. Et nous ne voulons pas, au fond, nous arrêter. Nous n'y croyons pas vraiment. Nous le savons, mais nous n'y croyons pas. C'est la formule de Jean-Pierre Dupuis. Ouais. Nous ne croyons pas ce que nous savons. Je suis entièrement d'accord avec Dupuis là-dessus. Et donc, nous fermons les yeux et nous nous lançons toujours dans cette accumulation qui fait que nous courons à notre perte. Nous sommes un peu le Titanic qui avance, là. Keynes ne croyait pas vraiment à l'abondance. Il pensait que les progrès techniques seraient tels qu'on pourrait imaginer une humanité qui travaille très peu et qui se consacre à ce que doit être l'existence humaine, c'est-à-dire les arts, l'amour, et puis le travail choisi. Surtout le travail choisi. Le travail choisi à la Fourier. C'est-à-dire que il était absolument contre le travail servile, le travail qui nous a servi, le travail qu'on fait par force, que font 80% des gens. Donc ils peuvent nous aider, et en même temps ils ne nous aident pas, parce qu'il l'avait dit ça dans les années 30, vous vous rendez compte? Il écrivait ça dans les années 30, dans un essai merveilleux qui est paru peu après d'ailleurs, Malaise dans la culture, qui s'appelle Perspective pour mes petits-enfants. Il disait, ah, la chance qu'ils auront, ils ne travailleront presque plus, et ils pourront se consacrer à ce qui fait le sel de la vie, c'est-à-dire les arts, l'amitié, dire du mal des amis, et puis avoir des amants et des choses comme ça, voilà. Et en fait, non, c'est pas ça qui se passe. Nous sommes au contraire entraînés dans une course à la productivité toujours plus phénoménale, avec un monde qui nous étouffe petit à petit. Nous sentons bien que ça se rétrécit, hein, que... Donc voilà en quoi il pouvait nous aider. Il nous l'avait bien pensé aussi, les intérêts de la dette. Keynes avait pensé que la dette nous tuerait un jour, que la dette était la chose la plus horrible qui pouvait arriver à des États, et qu'on ne pourrait jamais rembourser les dettes du fait des intérêts cumulés. Si vous regardez ce qui se passe en France, vous avez à peu près la moitié de la dette qui s'explique par des intérêts cumulés. Absolument. Hein, par des intérêts. Mm-hmm. Donc il disait, ça c'est une horreur. Vraiment, le taux d'intérêt, pour lui, c'était l'abomination de la désolation. Il fallait euthanasier le rentier, disait la personne qui ne vit que du taux d'intérêt. Donc c'est en ça que leur message est d'une jeunesse extraordinaire. Mais jamais appliqué. Non, bien sûr que non, parce que nous sommes immatures, parce que nous avons peur de ça, parce que nous fuyons, parce que nous avons tellement peur de mourir que nous croyons que nous allons avoir la vie éternelle par les accroissements de productivité. C'est quoi l'accroissement de productivité? C'est grignoter des grains de temps, hein, dans nos activités. Donc c'est inventer des machines qui nous font gagner du temps, mais qui finalement nous en font perdre. Si vous regardez la vitesse moyenne d'une voiture, en tenant compte du temps que passe quelqu'un pour acheter le temps de travail pour acheter sa voiture, pour payer son assurance, pour payer son garage, etc., vous arrivez, c'est Illich qui avait calculé ça, à des moyennes de 5 ou 6 km à l'heure. On ne va pas tellement plus vite que du temps de Madame de Sévigné, hein, à ce moment-là, qui voyageait en calèche et qui avait le temps de bavarder et d'écrire, ce que nous n'avons plus. Donc de ce côté-là, c'est vrai que je ne dis pas qu'il faut être contre la technique, et qu'il faut au contraire, il faut bien sûr profiter, mais il faut savoir oser vivre, quoi, en quelque sorte. Ça, c'est très difficile. J'avoue que c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. On préfère se laisser prendre par le tumulte, par le tourbillon du temps, du travail, et on préfère perdre sa vie à la gagner. Oui. Ça, on préfère ça. Ah, vous aurez compris que c'est pas moi qui pose les questions. J'ai tiré du web, c'est pour ça. Donc une parole sage, vraiment, d'un homme qui savait la valeur de la vie. La vie qu'on lui a arrachée, malheureusement. Bernard Maris nous dit que ce n'est pas une société mature, vous l'avez entendu, la société capitaliste. On nous garde dans un stade infantile. On en veut plus et ça n'arrêtera jamais. On préfère perdre sa vie à la gagner. Une belle phrase. Perdre du temps à gagner du temps. On entend ça dans certaines chansons, d'ailleurs. C'est là toute l'absurdité et la stupidité du capitalisme. Déshumaniser l'humain pour en faire un coureur dont la course n'aboutit jamais. Ouais. Donc, je poursuis la lecture du livre « L'avenir du capitalisme ». Le travail est un refus de la vie comme moment d'oisiveté, de poésie, de gaspillage, de dilapidation du temps. Le travail est une épargne de temps qui sera destinée à une utilisation future du temps dans la consommation. Mais ce détour proprement capitalistique, qui montre d'une certaine manière l'unité fondamentale du monde du capital et du travail, même si des propriétaires exploitent des travailleurs, est destiné à être détourné à son tour, et ce, à l'infini. Le refus de la consommation de la vie, le refus de la joie de vivre, dit Max Weber, comme le désir d'accumuler sans trêve de l'argent, sont au cœur de l'esprit du capitalisme. Le bourgeois n'est pas un jouisseur. Il est l'homme qui remet le plaisir à demain, et ce, perpétuellement. D'où la frustration permanente des consommateurs, la servitude volontaire des salariés, et le sadisme, ou la perversion, d'un système qui fonctionne sur la frustration et la servitude. Le travail n'est plus la création, comme put l'être le travail de l'artisan qui s'engage dans son produit. La création est systématisée dans le capitalisme au même titre que la production des objets ou du divertissement. C'est pourquoi, contrairement à l'artisanat, le capitalisme s'adresse au grand marché, aux grandes séries. C'est toute la différence entre la production de carrosses, qui exige une division du travail assez compliquée, et celle des voitures. Intervient ici une dimension particulière du capitalisme qui explique le succès actuel de la Chine, la taille du marché. Le capitalisme travaille pour la masse. Les grands remorqueurs qui tirent le navire capitaliste, ce sont les grandes entreprises multinationales. Le capitalisme est un système fait pour les masses. Le travail devient ce qui fait la valeur de la vie. Ça, c'est la chanson préférée francophone de Lucien Bouchard. Deuxième partie d'extrait de Bernard Maris qu'on trouve sur le web. Alors ici, là, il parle de la dette comme un boulet, du fait que les banques ont la tutelle de l'économie, alors que l'argent, c'est au fond un bien public. Et puis, il y a le conflit éternel des hommes avec la mort. Hein, vouloir une croissance indéfinie, perpétuelle, pour essayer de vivre éternellement, et cette façon de faire nous détruit. Alors, la vie éternelle, est-ce qu'on est vraiment plus heureux? Cette dette perpétuelle maintient un système de culpabilité, c'est-à-dire qu'on est maintenu dans le fait qu'on doit payer, qu'on doit rembourser, qu'on est là pour travailler plus, pour payer plus et pour rembourser plus. L'argent, ce qu'on appelle l'argent, qui est créé par les banques tous les jours, en fait, ça devrait être un bien public. Or, c'est devenu un bien privé. L'argent, c'est un peu comme l'air qu'on respire. C'est ce qui nous permet de vivre, hein, l'argent. Et bon, comme l'eau, comme l'air, qui devraient être des biens publics. Le jour où l'air est privatisé, vous allez être très malheureuse, hein, où il va falloir que vous mettiez des pièces de 1 euro pour avoir votre litre d'air. Et ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ça veut dire que la création de ce qui vous permet de vivre est soumise à des intérêts privés. Donc, des gens vont faire du profit sur ce qui, normalement, devrait vous permettre uniquement de faire des transactions. Et le fait que l'argent ait été privatisé, d'abord, ça donne des privilèges exorbitants aux banques. Ils peuvent créer à l'infini de l'argent. Et ça leur donne une tutelle sur l'économie qu'elles n'avaient pas. Puisque c'était plutôt les producteurs qui avaient la tutelle de l'économie, et maintenant ce sont les financiers qui ont la tutelle de l'économie. Au fond, on devrait avoir des économistes comme des comptables, quoi, comme des dentistes. Hein, je parle des dentistes qui vont faire décider de l'avenir de la nation. Ils sont des gens formidables, surtout quand on a mal aux dents. Mais bon, à partir de là, on va leur demander d'être des techniciens. On leur demande pas d'être des idéologues. C'est-à-dire qu'on a construit une morale autour de l'économie qui est une morale extrêmement dure. Très dur, c'est une morale très difficile à vivre. La vie est très violente avec le capitalisme. Et tu es dans la culpabilité, tu es dans la dette, tu es dans le devoir. Et ça, c'est les économistes qui ont créé ce type de société. Donc on se sent coupable. Effectivement, c'est une forme de, on va dire, le mot est peut-être un peu lourd, mais d'esclavage moderne, de même que autrefois le débiteur était vendu comme esclave, hein, chez les Romains. Et aujourd'hui, et sa femme aussi, et aujourd'hui, on est dans un système où je vends ma force de travail perpétuellement pour rembourser la dette. Donc c'est vraiment un système qui ressemble bien à un système, pas du tout démocratique, mais d'autorité, de tutelle morale très très forte qui culpabilise les gens. Et les gens sont coupables finalement d'avoir trop bien vécu, d'avoir été heureux, quoi, en quelque sorte. La croissance, c'est quand même aussi de l'accumulation d'argent indéfini. Donc d'une certaine manière, cherchant à accumuler de l'argent, eh bien, les hommes, ils accumulent du temps, bien sûr. Donc ça veut dire que la croissance, cette croissance infinie, la recherche de la croissance éternelle, si je puis dire, c'est aussi peut-être d'une certaine manière une recherche de la vie éternelle. Et on se rend compte que tout ce qu'on appelle gain de productivité, le fait qu'on veuille sans arrêt gagner du temps, hein, c'est un peu, même si on perd sa vie, elle a gagné, et si on perd sa vie, elle a gagné du temps, c'est aussi une certaine manière d'aller de façon asymptotique vers la vie éternelle. Et il faut bien voir que la grande satisfaction des sociétés contemporaines, c'est de dire aux hommes, écoutez, quand même, vous avez vécu en moyenne 20 ans de plus que vos parents. Donc ça veut dire que c'est bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes dans le processus qui fait que vous allez asymptotiquement vers la vie éternelle. Tout ce qui est gain de productivité, tout ce qui est économie de temps, tout ce qui est économie de temps de travail, qui fait que finalement on travaille de plus en plus pour gagner du temps de travail, ce qui est un paradoxe absolument absurde, c'est aussi finalement une espèce de lutte contre la mort. Il est certain que c'est ça le contenu morbide de la croissance, c'est que notre société n'a pas su résoudre le conflit éternel qu'ont les hommes vis-à-vis de la mort. Donc c'est pour ça qu'ils sont embarqués dans cette espèce de croissance indéfinie qui fait que, au bout du compte, eh bien, en voulant vivre éternellement, ils vont se détruire parce qu'ils vont détruire la nature. Donc c'est un petit peu un paradoxe, mais c'est pourtant ce qui se passe. Et lorsqu'on sait que la croissance c'est aussi de l'argent et que l'argent c'est de la dette qui s'accumule, on voit très bien que finalement dans cette recherche éternelle de la croissance, c'est aussi de la culpabilité et de la dette qu'on accumule indéfiniment et qu'on n'arrive à jamais solder. Hein ? Ne pas solder ses dettes, c'est exactement la définition même, ne pas solder sa culpabilité, c'est la définition de la dépression au sens psychanalytique du terme. C'est pour ça que Keynes disait, nos sociétés sont essentiellement dépressives. Il parlait de la dépression, mais au sens de dépression de nos sociétés. Ce sont des sociétés qui n'arrivent pas à solder leurs fautes, à solder leur culpabilité, et qui sont donc parties dans la croissance. Et pour cette raison que les gens ne sont pas heureux. Enfin, du moins, on leur dit, c'est pas parce que leur niveau de vie s'augmente, on a beau leur dire, vous avez un niveau de vie qui est 50% de plus que vos parents, ou peut-être même 100% de plus que vos parents, ils disent, ouais, pourtant, ça ne semble pas tellement être plus heureux qu'il y a 30 ans ou 40 ans. C'est une nouvelle morale, et contrairement à ce qu'on croit, c'est une morale très dure. C'est tu dois être compétitif, tu dois être concurrentiel, tu dois marcher sur les autres, tu dois être dans la compétition de tous contre tous. Et malheureusement, surtout dans un pays comme la France, je ne pense pas que les passions soient solubles dans l'économie et que les passions soient solubles dans des taux de croissance ou dans des demi-points de plus ou de baisse de taux de chômage. Ce qui fait que cette nouvelle morale, cette nouvelle religion, si vous voulez, l'économie, ce qui fait qu'il n'y a de vérité qu'économique. On ne parle plus que de ça. Je suis tout à fait d'accord avec Régis Debray. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre vérité que vérité économique. Risque de se révéler désastreuse à terme parce que on va se trouver bien déçu une fois qu'on aura déshabiller l'économiste et déshabiller ce qu'ils font l'économie, ce qui fait cette soi-disant richesse, la création de valeur, puisque les économistes créent de la richesse. Personne ne se pose la question de ce que veut dire le mot richesse. On sait que, désormais, la richesse n'appartient qu'aux entreprises. Bon, il y a d'autres façons de voir la richesse. Lorsqu'on aura vu que cette richesse est une pseudo-richesse, que le roi est nu, comme dans la fable du conte, eh bien, je pense que des passions vont se réveiller, et des passions relativement mauvaises. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles, justement, on voit une renaissance de certains nationalismes ou de certaines vieilles passions ou de vieilles rancœurs ou de passions tristes, hein, pour reprendre une phrase bien connue de tous, c'est justement que l'économie et l'économisme a pris le pas sur toute autre forme de discours. Désormais, vous n'êtes plus qu'un taux de rentabilité, vous n'êtes plus qu'un chiffre, hein, dans des graphiques qui sont dressés en général par des gens qui ne sont pas très très compétents. Je vois qu'on doit arriver quelqu'un avec des graphiques pour dire ceci, cela, bon voilà. Mais c'est pas ça, la vie d'une société. La vie d'une société, c'est quelque chose qui a besoin, nous, ceux qui n'ont pas Dieu, c'est le cas de la France, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien. Hein, ceux qui n'ont pas Dieu, il faut bien qu'ils aient d'autres passions. Et la République en avait d'autres. C'était l'éducation, c'était l'universalité, c'était le modèle français, c'était encore, je ne sais pas, la culture, c'était la littérature, merci. Merci à Modiano. C'était la littérature. Et tout ça, on dit, bon, mais tout ça, c'est subalterne, au fond. Combien de divisions, Modiano? Qu'est-ce que c'est? Marc Lévy, c'est 10 fois plus de divisions que Modiano. Ne parlons pas de, je vais pas citer des auteurs ici, qui sont peut-être très bons, en demeurant, mais que j'ai pas lu. J'ai lu Modiano. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut plus dire autre chose qui ne soit pas mesuré par un chiffre, un ratio de rentabilité, un calcul, etc. Tout est calcul. Vous, on va vous demander un taux d'audience, j'espère que non, ou peut-être qu'on va vous demander des parts de marché. Peut-être qu'un taux d'audience, c'est pas une part de marché. C'est l'émission Econophile qui se poursuit au 89.1. David Lemelin au micro. Bernard Maris, l'économiste sage qui aimait la vie et qui constatait le malaise intrinsèque, inhérent, viscéral du capitalisme, la cupidité, la course sans fin au profit, au point de ne même pas prendre le temps de jouir de la vie, de profiter de ce qu'on a, c'est fou de même. Ne pas solder ses dettes, hein, il l'a dit, c'est ne pas solder sa culpabilité, c'est la dépression qui vient avec. Nous sommes des sociétés dépressives, les gens ne sont pas heureux. Il n'y a pas d'autre vérité que la vérité économique. Tout est calcul, vous n'êtes plus qu'un chiffre. Hein, c'est vrai, vous êtes un chiffre. Mais c'est pas ça la société, en tout cas, faudrait pas que ce soit ça. Alors, dans son livre, Bernard Maris écrit ceci à propos du crédit et de la dette. Le crédit, c'est-à-dire la monnaie moderne, la monnaie d'écriture, est précisément ce qui permet le détour infini de la production et la croissance infinie de l'argent, l'accumulation ad vitam aeternam. Le crédit permet aussi l'échange gagnant-gagnant et non gagnant-perdant, comme dans la vieille société. Le capitalisme est un jeu à somme positive. Les co-échangistes gagnent simultanément parce que, grâce au crédit, la chose échangée s'accroît dans le temps. Le gâteau est extensible et les parties prenantes à l'échange voient leur part augmenter. Le capitalisme n'existe que dans ce processus de croissance indéfinie, d'extension perpétuelle du gâteau. Hein? Le capitalisme propose cette chose inouïe. Tu peux me prendre quelque chose, mon travail par exemple, et pourtant je serai plus riche. Et ceci n'est vrai que parce que le moyen, l'argent, est devenu la fin. Parce que l'argent est devenu le gâteau dont la consommation sera indéfiniment repoussée. La question du crédit et de la dette nous renvoie à celle de la culpabilité de l'argent bouc émissaire. Un homme ne meurt qu'une fois. Nous devons une dette à Dieu. Celui qui meurt cette année est quitte pour l'année prochaine. Ça, c'est Shakespeare. L'argent possède un pouvoir libératoire. La circulation de l'argent est la circulation des dettes sur la banque centrale. La monnaie est tout simplement ce que la banque centrale déclare garantir, disait Keynes. Dans le capitalisme, cette circulation des dettes ne s'interrompt jamais et les dettes sont condamnées à s'accumuler. Et il est juste de lier la dette et la faute. Comme le dit Nietzsche, l'humanité a également reçu en partage, avec l'héritage des divinités de la race et de la tribu, celui de la pression des dettes impayées et du désir de les liquider. Oui, oui, parce qu'il faut liquider ces dettes. Hein. Ça vaut pour la dette du Québec aussi, on en a parlé il y a deux semaines. Il y en a qui font de l'insomnie à propos de notre supposée dette monstrueuse qu'il faut payer à tout prix. Alors, comment rembourser? Nous remboursons par notre travail tout au long de notre vie. Nous remboursons par notre vie tout simplement, puisque nous sommes quittes au moment de mourir. Voilà. Bernard Maris nous dit que l'accumulation capitaliste relève de la névrose. Et fort heureusement, la machine est là. Elle permet d'accumuler encore plus et plus vite. On travaille, on dilapide du temps pour économiser du temps, d'où le mythe de la vitesse qui naît avec le capitalisme. Hein? Oui, nos voitures vont plus vite que jamais, nos routes grossissent d'ailleurs, hein? Ce qui fait qu'on passe beaucoup plus de temps sur les routes à attendre dans des bouchons de circulation qu'autrefois, donc on perd énormément de temps. Le temps, c'est de l'argent. On a transformé le temps en quelque chose d'intimement lié au capitalisme, une aiguille qui tourne et on sent de la culpabilité. Le temps n'est plus cyclique, il est linéaire, il n'y a plus de saison, ni de jour, ni de nuit, on peut travailler en tout temps. Ah! Lucien Bouchard est content alors. I've got 90,000 pounds in my pajamas. I've got 40,000 French francs in my fridge. I've got lots of lovely lira. Now the Deutsche Mark's getting dearer, and my dollar bills would buy the Brooklyn Bridge. There is nothing quite as wonderful as money. There is nothing quite as beautiful as cash. Some people say it's folly, but I'd rather have the lolly. With money you can make a splash. There is nothing quite as wonderful as money. Money, money, money. There is nothing like a newly minted pound. Money, money, money, money. Everyone must hanker for the butchness of a banker. It's accountancy that waits the world around. You can keep your Marxist ways, but it's only just a phase. For it's money, money, money makes the world go round. Oh yeah! Dernière partie d'extrait d'entretien de Bernard Maris. Ici, il est pessimiste hein, quand il parle du capitalisme, comme un patient qui souffre, qui ne va pas bien, un malade qui veut toujours plus d'argent, qui est esclave de cette quête frustrante. Alors, le capitalisme, un patient qui souffre? <t'-> Il traîne une vieille souffrance, on va dire. On va dire qu'il traîne en lui des pulsions qu'il arrive à retenir, à contenir, et qui le font se transcender dans le travail, dans l'accumulation, dans la recherche de richesses perpétuelles. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est un patient qui en veut toujours plus, qui veut toujours accumuler de l'argent, qui est souvent virtuel, et qui oublie de vivre. Il fonctionne un petit peu sur le mode de la servitude volontaire, c'est-à-dire qu'il s'oblige à travailler, d'être de plus en plus productif, avoir une technique de plus en plus forte qui lui permet de gagner du temps. C'est ça, hein, le capitalisme, c'est toujours une course perpétuelle sur le temps. Il s'oblige à avoir des besoins qu'il n'arrive jamais à satisfaire, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il satisfait ses besoins, il y a toujours des besoins nouveaux qui apparaissent, donc il est dans la frustration perpétuelle. Et au bout du compte, il sait qu'il sera l'homme le plus riche du cimetière, c'est-à-dire qu'il accumule pour accumuler, quoi, mais sans jouir vraiment de cette accumulation. Et là, il y a eu une dernière période de folie, c'est-à-dire que depuis 20 ans, il est allé dans une hubris, dans une démesure de l'argent, de la cupidité extraordinaire. Et à partir de là, peut-être que lui-même cherche à se détruire, c'est possible, mais il va détruire ceux qui vont avec lui, c'est-à-dire le monde qui l'entoure et les hommes qui le portent. Donc il va très très mal. Ouais. Je crois qu'il y a une crise intellectuelle énorme, c'est-à-dire qu'on ne sait plus expliquer. On explique mal, c'est vrai qu'on fait des références à la crise de 29, on fait des références à différents crashs, le crash de 87, le crash de la bulle high-tech ou des choses comme ça. Mais on sent qu'il y a quelque chose de plus profond derrière. Et que sans doute, il y a un problème de partage, un problème de rapport à l'argent, un problème d'inégalité terrible. Et qu'il y a sans doute un au-delà du capitalisme. C'est-à-dire que ce n'est pas la fin de l'histoire du capitalisme, contrairement à ce qu'on a cru. C'est certainement pas le socialisme, l'avenir du capitalisme non plus, je ne crois pas, mais il y a peut-être quelque chose à inventer. Et on est en difficulté, on cherche à comprendre. C'est le thème de l'analyse, hein. On cherche à se comprendre pour changer, et changer son comportement. Alors, pour l'instant, il a de la perfusion. On va dire qu'on lui donne de la liquidité sans arrêt, on le sauve, quoi. Il est vraiment très très bas, donc il est sous perfusion. Il y a ces plans mirifiques, qui sont des plans d'emprunt, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'épargne dans le monde, il ne faut pas se leurrer. Bon, s'il n'y avait pas toute cette épargne, on ne pourrait pas emprunter autant et sauver les banques américaines, faire des plans de relance qui vont équivaloir à 10% du PIB américain. Bon, il y a tous ces plans en France, en Allemagne, en Europe, etc. Donc, dans ce moment-là, on est en train de faire ce qu'on n'avait pas fait en 29, c'est-à-dire justement, il avait coupé les vivres en 29. Là, on lui donne beaucoup de liquidités. Mais au-delà, il va y avoir, à mon avis, une thérapie, quoi. Une thérapie qui va parler du partage et du rapport des hommes au travail et des rapports des hommes à l'argent. Il faut voir que la crise du capitalisme, c'est une crise du rapport à l'argent. Donc il va falloir trouver autre chose. Est-ce qu'il est encore temps ? Il y a des possibilités, il y a des sorties terribles, funestes. Ce qu'on évoque à la fin du livre, c'est-à-dire la possibilité du Nil. C'est-à-dire que l'élite ne comprenne pas ce qui se passe, ou ne veuille pas comprendre, se referme sur elle-même et accepte un monde où il y a une minorité hyper protégée, de super privilégiés, dans un environnement encore à peu près potable, c'est-à-dire c'est la possibilité du Nil, quoi. Le roman de Houellebecq, mais qui est vraiment quelque chose de très concret, c'est-à-dire qu'on peut imaginer des ghettos de riches, quoi, et puis une immense majorité du monde qui végéterait dans le bidonville et dans la pauvreté. Ça, c'est une des sorties possibles. Il y a la deuxième sortie, qui serait une sortie plus plus révolutionnaire, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'une partie de l'élite comprendrait qu'il faut changer les choses, donner un nouveau contenu au capitalisme et à la croissance. C'est un peu Obama, si vous voulez, ça c'est la sortie Obama, c'est-à-dire il dit, bon, ben, je vais faire une sortie par l'économie verte, par une économie apaisée, une économie non plus de la démesure du gaspillage, mais quelque chose qui permette aux gens de vivre de façon apaisée, en relation apaisée avec la nature. Ce serait la sortie économico-écologique. Et puis il y a la troisième sortie, qui n'est pas à exclure non plus, c'est la sortie révolutionnaire, mais par le bas, c'est-à-dire que c'est la révolte. Ce qu'on voit en Guadeloupe ou ailleurs, où une partie des gens ne supportent plus vraiment ce qui se passe, et alors là, à ce moment-là, ce seraient les démagogues, les populistes, et ce qui s'est passé dans les années 30, quoi, où ça a été les fascismes et les communismes qui ont pris le pouvoir. Il y a un nouveau modèle à créer, hein, un modèle de coopération qui va se substituer au modèle de l'égoïsme, du chacun pour soi, du selfishness, quoi, qui est à créer. Modèle de Linux, moi c'est pour ça que j'adore Linux, moi, parce que c'est un modèle de coopération, Linux. Coopération intelligente et productive, attention, hein, c'est pas, ça prouve que la coopération parfois est plus productive que le selfishness, que l'égoïsme, que le marché. Donc ça, ben voilà, c'est ça qui a inventé. Alors ça peut venir, plus une bonne symbiose économie-écologie, bon, ben, on s'en tire. Sinon, bon, on va vers la catastrophe, hein, vers une catastrophe assez rapide, à mon avis, en plus. Assez rapide, ouais. Bonne implosion démographique, catastrophe écologique forte, une génération, quoi. Ça va vite, hein. 20 ans, ça va vite. Ouais. Ouais. Il rit, mais il est pessimiste en même temps. Donc, il y a des solutions. Il y en a parlé quand même. Des sorties possibles, notamment avec un nouveau modèle coopératif, en respect avec l'environnement pour assurer notre survie. Mais ce patient souffrant s'accroche, hein, pas certain qu'il va nous laisser le débrancher. Il sera le plus riche du cimetière, comme le dit oncle Bernard, car on est dans la démesure, la cupidité extraordinaire. C'est ça, le capitalisme. Et dans le livre, ben, lorsqu'on arrive au chapitre consacré à l'avenir du capitalisme, Marie se dit ceci. L'avenir du capitalisme, c'est d'abord, semble-t-il, l'ubiquité du capitalisme. Sauf que les centres de production et de croissance vont se déplacer. Une fois que le capitalisme aura réalisé son travail historique, pour paraphraser Marx, que va-t-il se passer? Y a-t-il un au-delà du capitalisme? Ou le cycle argent-marchandise-argent continuera-t-il indéfiniment? Alors là, côté pronostic, Marius nous dit que, comme bien d'autres, c'est la Chine l'avenir du capitalisme, l'avenir provisoire du capitalisme. Et pas étonnant si on considère seulement son immense marché intérieur, ce qui lui confère bien sûr un avantage sur tous les autres, même si les salaires venaient à monter, là. Mais la question beaucoup plus intéressante soulevée par la Chine est d'ordre politique. La Chine mettra-t-elle fin à cette tendance qui semblait inéluctable depuis la Renaissance, à savoir l'émergence de l'individu sujet de droit? Le capitalisme exige l'individualisme et sans doute a-t-il surfé sur la vague individualiste née en Europe. Mais la Chine démontre jour après jour que la dictature politique, le contrôle étatique de la monnaie, la soumission des entrepreneurs au Parti communiste d'une part, au marché public de l'autre, font un excellent ménage avec la croissance. La Chine a besoin des individus consommateurs. Elle n'a nul besoin des individus citoyens et réalise l'extraordinaire prédiction de Tocqueville qui, dans De la démocratie en Amérique, annonçait l'émergence d'individus libres de consommer ce qu'on leur offre, c'est-à-dire une pseudo-variété de produits identiques. On se reconnaît là. Car le pouvoir, dit encore Tocqueville, aime que les citoyens se réjouissent pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Pas besoin d'être grand devin pour voir que la Chine et l'Amérique vont à grande vitesse vers ce monde apolitique où les puissants décident de la consommation des masses. Le nouveau capitalisme s'accompagne d'un despotisme bienveillant. Et l'économiste Maris parle des sorties possibles, donc, du capitalisme, des sorties par le haut, dit-il, et des sorties par le bas, donc il y en a de deux ordres. Les quatre grandes questions posées par le capitalisme sont, on l'a vu, les rapports de l'homme au travail, de l'homme à la technique, de l'homme au temps, de l'homme à la nature. Nombre d'économistes et de penseurs ont envisagé un aboutissement du capitalisme et la résolution de ces quatre contradictions. Dans les sorties par le haut, il dit « Marx ou la foi, la fin du travail subi et de l'exploitation des hommes, la fraternité et l'art généralisé, l'homme réconcilié avec la nature, l'abolition du temps, des contradictions et la fin de l'histoire. C'est là un message fraternel où l'homme ne jouit que de la jouissance d'autrui, où la violence est abolie, un message chrétien. Keynes ou l'hédonisme, le refus de l'accumulation, la civilisation des loisirs, de l'amitié et des arts, la monnaie fondante et la décroissance. C'est aussi le plaisir au travail, la recherche de la beauté et donc de l'inutilité, en particulier le plaisir de la connaissance inutile. Quand je regarde TVA, je trouve que j'en ai pas mal, la connaissance inutile. Bref, donc, certains voient un avenir en rose, on le constate, plus de travail subi, fraternité, fin de la violence, plaisir au travail, plaisir de l'inutile. C'est beau, hein? Certains auteurs pensent même que le capitalisme est si bon que la croissance continuera sans cesse, que les progrès techniques permettront de surmonter les contraintes, même pour les ressources naturelles. Alors, c'est vraiment beau rêver. D'autres pensent que le capitalisme généralisé va s'imposer, accompagné de la démocratie. Et ça, ce à quoi Bernard Maris répond, hein? Il n'est pas sûr, en fait, que la démocratie survive bien longtemps au capitalisme généralisé. On peut penser, au contraire, que le modèle chinois l'emportera. Il y avait tous les exemples plus catastrophiques, hein, créer une île où les privilégiés se trouveraient, destruction de la terre, de l'environnement, la terre comme un bidonville, vraiment. Donc, ce sont des portraits plus sombres. Et conclusion de cette conférence de Bernard Maris, retranscrite dans ce livre, il cite l'économiste John Maynard Keynes, dont on a parlé quand même pas mal depuis le début de l'émission. Keynes pensait qu'en 2030, l'humanité aurait résolu le problème économique, c'est-à-dire le problème de la rareté et du besoin. Il croyait à la réduction de la durée du travail, à l'émergence d'une société hédoniste, occupée aux arts, aux plaisirs divers et confrontée à ce grave problème, que faire de sa liberté? Ainsi, pour la première fois depuis sa création, l'homme sera confronté à son problème véritable et permanent. Quel usage faire de sa liberté une fois dégagé de l'emprise des préoccupations économiques? La nouvelle abondance de la société serait celle du temps libre, temps de loisirs en espérance de vie. Encore faudrait-il que l'homme accepte de ne pas travailler et de jouir de son temps libre dans des occupations artistiques, philanthropiques ou autres, peu destructrices et économes en énergie. Encore faut-il oser être libre. La concurrence, propre à la dynamique du capitalisme, veut que celui qui s'arrête disparaisse. Soit on court, travaille, produit avec les autres et l'on survit. Soit tout le monde s'arrête et on peut espérer profiter des loisirs. Mais le premier qui s'arrête est mort. Tel est le paradoxe du dépassement du capitalisme. Proposer aux hommes une activité d'invention et de création sans croissance matérielle au moins, est-ce possible? Grande question, s'il en est une. Donc, l'avenir du capitalisme, le discours prononcé par l'économiste Bernard Maris, oncle Bernard, c'est déjà tout pour nous. L'émission Le Grain de Sable suit à l'instant. Bonne semaine, merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à écouter en balado. Toutes les émissions sont disponibles sur le blog. Merci et à samedi prochain. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.